listen to me, somebody. Écoutez-moi. The wedding rings are spiritual wedding rings. L'anneau de noces est un anneau spirituel. The wedding of the Lamb of God is a spiritual wedding. L'anneau de mariage de l'agneau de Dieu est un anneau spirituel. The voice of the archangel is a spiritual voice. La voix de l'archange est une voix spirituelle. The trumpet call of God. L'appel de la trompette de Dieu is a spiritual trumpet call. Est un appel spirituel. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Into which the church is going into the wedding supper of the Lamb of God. Dans lequel l'Église entre pour le souper de mariage. Is a spiritual kingdom. Est un royaume spirituel. So only those Christians. C'est seulement ces chrétiens. Only that church. Seulement cette église. That has received the Holy Spirit. Qui a reçu le Saint-Esprit. The same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit. That when you see in Matthew chapter 3. Que quand on voit Matthieu chapitre 3, after Jesus was baptized, après que Jésus a été baptisé, he descended from heaven, est descendu du ciel, and he has anointed the Lord, et a oint le Seigneur, and in Matthew chapter 4, et dans Matthieu chapitre 4, he took the Lord through the wilderness. Il a conduit le Seigneur dans le désert. And the Lord was tempted. Et le Seigneur était tenté. And the same Holy Spirit. Et le même Saint-Esprit. Was able to help him overcome the tempter. Était capable de l'aider vaincre le tentateur. The tempter showed him the gospel of prosperity. Le tentateur lui a montré l'évangile de la prospérité. Big cities. Grandes villes. Big kingdoms. Grands royaumes. Big cars. Grandes voitures. Big homes. Grandes maisons. Fat bank accounts. Grands comptes en banque. And he said no. And he said it is written. Et il a dit non. Il est écrit. And the devil came again. Et le diable est encore venu and showed him stones. Et lui a montré des pierres. Combat this. Do some fake miracles here. Convertis-les et fais quelques faux miracles ici. Do some miracles to please me, the devil. Alors fais quelques miracles et fais-moi plaisir à moi, le diable. And he said, no, it is written. Et il a dit, non, c'est écrit. And he said, okay, worship me. Alors il a dit, d'accord, mais adore-moi. And he said, no, it is written. Et alors il a dit, non, c'est écrit. And the Holy Spirit of God. Et le Saint-Esprit de Dieu. Led him to the word of God. L'a conduit à la parole de Dieu. And through the word of God. Et à travers la parole de Dieu. He overcame the enemy. Il a vaincu l'ennemi. And then the book of James chapter 4. Et ensuite, le livre de Jacques, chapitre 4. Verse 7 was fulfilled. Le verset 7 a été accompli. Resist the devil and he'll flee from you. Résistez au diable et il fuira loin de vous. And the Bible says, et la Bible dit, the enemy did flee from him. L'ennemi est parti loin de lui. And then the angels from heaven came and ministered to him. Et les anges de Dieu sont venus pour le fortifier. In other words, the Lord is revealing to the church. En d'autres mots, le Seigneur révèle à l'Église that because the wedding rings are having the same constituent of gold. Parce que l'anneau de mariage est fait dans le même constituant que l'or. Same composition of rich gold. La même composition que du l'or riche. Purified through the fire. Purifié à travers le feu. The Lord is going to only wed. Le Seigneur va épouser seulement ceux. And I repeat this. Et je le répète. The Lord is going to wed only that church. Le Seigneur veut épouser seulement l'Église. That has eaten the bread of life. Qui qui a mangé le pain de vie. That has eaten Christ. Mangeons Christ. Taken in Christ. Soyons en Christ. Taken up the identity of Christ through the Holy Spirit. Prenez l'identité de Christ à travers le Saint-Esprit. She may be a remnant. Elle peut être en restant. But she has resisted the devil. Mais si elle a résisté au diable. Through the Holy Spirit of God. À travers le Saint-Esprit de Dieu. Leading her directly. La conduisant directement. Repeatedly. D'une manière répétitive. Sequentially. Séquentiellement. To the Word of God. À la parole de Dieu. This is the sword that pierces the devil, he flees. Ça c'est une épée qui perce le diable. Le diable s'enfuit. James chapter 4 verse 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Resist the devil and he'll flee. Résistez au diable et il fuira. That word must be accomplished. Ce qui doit être accompli. In the bride of Christ. Dans l'épouse de Christ. And so now that's why you see. Et maintenant, c'est pourquoi vous voyez. That she is the wheat that he separates. C'est elle est le blé qui est séparé. He burns the other with the unquenchable fire. Il brûle les autres, la paille, dans un feu qui ne s'éteint point. But she is the bread. She has taken up the nature of bread, the wheat. Mais elle est le pain. Elle a pris la nature du pain, le blé. The nature of the Lord. La nature du Seigneur. Alléluia. Alléluia. And no wonder the two wedding rings are the same. Et rien d'étonnant à ce que les deux anneaux de mariage soient pareils. And alike. Et semblables. And that's why that church that weds Christ. C'est pourquoi cette église qui épouse Christ. Is the church that has operated in the Holy Spirit. C'est une église qui opère avec le Saint-Esprit. So her spiritual ears are open. Alors nos oreilles spirituelles sont ouvertes. And when the spiritual voice of the archangel. Et quand la voix spirituelle de l'archange. Will announce the coming of the Lord in the rapture. Annoncera la venue du Seigneur lors de l'enlèvement. When the spiritual trumpet of God. Et quand la trompette spirituelle de Dieu. Will be sounded. Sonnera. On the day of the rapture, she will hear that spiritual voice. Au jour de l'enlèvement, elle va entendre cette voix spirituelle. When the spiritual wedding takes place, quand le mariage spirituel aura lieu, she will wear the spiritual wedding rings. Elle va se vêtir de cet anneau spirituel. Alléluia. Alléluia. In other words, en d'autres mots, she has operated in the holiness of the Lord. Elle a opéré dans la sainteté du Seigneur. What a mighty revelation to the church. Quelle merveilleuse, quelle grande révélation à l'Église. She is Christ-like. Elle est comme Christ. Let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. The book of Ephesians, chapter 4. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Alléluia. Alléluia. I can start from chapter 4, verse 11. Je veux commencer par le chapitre 4 au verset 11. This is what he says here. Voilà ce qu'il dit ici. He says, il a dit, it was he who gave some to be apostles, et il a donné les uns comme apôtres, some to be prophets, les autres comme prophètes, some to be evangelists, les autres comme évangélistes, and some to be pastors and teachers, les autres comme pasteurs et docteurs, to prepare God's people, pour préparer les gens de Dieu for the works of service, pour les œuvres du service. So that the body of Christ may be built up. Comme ça, le corps de Christ peut être construit. Listen to me very carefully, somebody. Écoutez vraiment attentivement. So the body of Christ may be built up, mature, in other words. Parce que le corps de Christ peut être construit, mature, en un autre mot. Until she reaches, jusqu'à ce qu'elle arrive, the unity of faith, à l'unité de la foi, look at the maturity, regarde à la maturité, and the knowledge of the Son of God, et la connaissance du Fils de Dieu, and becomes mature, et devienne mature, attaining the whole measure, atteignant la pleine mesure of the fullness of Christ. De la plénitude de Christ. In other scriptures, in other versions, they say of the stature. Dans une autre écriture, dans une autre version, il est dit à la stature. He talks about telos. Il parle à propos de telos. In Greek it's telos, which means growing to the height. En grec, il s'agit de telos, qui signifie grandir jusqu'à la hauteur. To the level, telos. Jusqu'au niveau, telos. Reaching the stature. Atteignant la stature. Reaching the maturity. Atteignant la maturité. Reaching the likeness, the fullness, he says, of Christ. Atteignant la conformité, la plénitude, il dit, de Christ. In other words, en d'autres mots, the revelation the Lord is giving to the church is that, look, la révélation que le Seigneur est en train de donner à l'Église, regardez, I called the priesthood, j'ai appelé la prêtrise, so they may prepare the people of the Lord, comme ça ils peuvent préparer les peuples du Seigneur, to be able to reach the full stature of Christ. D'être capable d'atteindre la pleine stature de Christ. If Christ is a spirit-filled man, si Christ est un homme rempli du Saint-Esprit, the bridegroom is spirit-filled. L'époux est rempli de l'Esprit. The wedding rings are spiritual wedding rings. Les anneaux de noces sont des anneaux de noces spirituels. The trumpet call is a spiritual trumpet call. L'appel de la trompette est un appel de trompette spirituel. The voice of the archangel is a spiritual voice. La voix de l'archange est une voix spirituelle. Then the bride of Christ, ensuite, l'épouse de Christ, who is the perfect bride, qui est l'épouse parfaite, has to be spiritual, à être spirituelle, to be able to take place in this spiritual wedding. Pour être capable de prendre place dans ce mariage spirituel. Le point bas de l'agneau de Dieu. Le spirituel mariage de l'agneau de Dieu. Which means she has reached the likeness of Christ. Ce qui signifie qu'elle a atteint la conformité à Christ. You remember very well, souvenez-vous bien. In the book of Isaiah 61, dans le livre d'Ésaïe 51. Alléluia. Alléluia. This is deep, somebody. Ça, c'est profond, mes chers. Isaiah 61, look at what he says here. Ésaïe 61, regardez ce qu'il dit là. He says, the spirit of the sovereign Lord is on me. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. He has sent me to bind up the brokenhearted. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To proclaim freedom to the captives. Pour proclamer aux captifs la liberté. And to release from darkness the prisoners. Aux prisonniers la délivrance. And to proclaim the year of the favor of the Lord. Et pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. He is the spirit-filled man. Il est l'homme rempli de l'Esprit. Le chef époux. He is a spiritual man. Il est un homme spirituel. In the book of Matthew chapter 3, when John the Baptist baptized Jesus, dans le livre de Matthieu chapitre 3, quand Jean-Baptiste baptise Jésus, the spirit of the Lord came and filled him. L'Esprit du Seigneur est venu et l'a rempli. In Isaiah 61 we've read, et dans Ésaïe 61 nous avons lu, that he said, the spirit of the Lord is upon me. Nous avons lu qu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Proclaim the good news, to proclaim the coming of the year of the Lord. Proclamer la venue du jour du Seigneur. Surely the perfect bride of Christ. Certainement la parfaite épouse de Christ. That will wear. Qui veut mettre. This so much celebrated. Ce tellement célébré. Rich and pure golden ring. L'anneau d'or riche et pur. She has to be spirit-filled. Elle a à être remplie de l'Esprit Saint. She has to be very spiritual. Elle a à être très spirituelle. Just as Christ is. Juste comme Christ. Let me bring it to another level. Et je vais vous amener à un autre niveau. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens. Chapter 6. Chapitre 6. Just to consolidate. Juste pour consolider. What I've just said. Ce que j'ai justement dit. The fact that the church must wear the likeness of Christ. Le fait que l'Église doit se vêtir de la conformité à Christ. She must wear the likeness of Christ by being spiritual. Elle doit se vêtir de la conformité à Christ pour être en étant spirituelle. Look at he that is coming to wed the church, what he says here. Regarde à lui quand il va venir pour épouser l'Église. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verse 14, verse 18, he says. Les versets 14 au verset 18, il dit. Do not be yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. For what do righteousness and wickedness have in common? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Or what fellowship can light and darkness have in common? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? What harmony is there between Christ and Belial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? What agreement is there between the temple of God and idols? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? For you are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them. Look at this somebody. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Regardez ça. You read on and on. Vous lisez et vous lisez. He is saying there will not be unequal yoking. Il est dit qu'il n'y aura pas un joug égal. Alléluia. Alléluia. So if Christ is the spirit-filled man, est un homme rempli de l'esprit, then the church that weds Christ, the bride of Christ, ensuite l'église qui épouse Christ, l'épouse de Christ, has to be a completely spirit-filled church. A à être une église complètement remplie de l'esprit. In other words, the Lord is saying to the church, en d'autres mots, le Seigneur est dit à l'église, by making the two wedding rings composed of pure gold, en faisant les deux anneaux de noces composés en or pur, he's telling the church, look, il dit à l'église, regarde, this is the time for the outpouring, c'est le temps pour l'effusion of the latter anointing of the Holy Spirit, de la dernière onction du Saint-Esprit. The window is open, la fenêtre est ouverte. Only that church that has been filled with the Holy Spirit. Seule cette église qui aura été remplie du Saint-Esprit. Only that church that has been completely filled with the Holy Spirit. Seule cette église qui est complètement remplie du Saint-Esprit. Only that church that has been completely. Seule cette église qui a été complètement covered and sanctified. Couverte et sanctifiée, and purified through the fire of the Holy Spirit, et purifiée à travers le feu du Saint-Esprit, will be able to wed Christ, va être capable d'épouser Christ. That's what the Lord is talking about here. Voilà ce dont le Seigneur est en train de parler ici. That's why the two wedding rings, c'est pourquoi les deux anneaux de noces, are very identical, sont parfaitement identiques. That is called equal yoking. C'est ce qui est appelé un joug égal. The Lord our Father in heaven, le Seigneur notre Père dans les cieux, already sanctioned it here in the Bible in His Word. L'a sanctionné dans la Bible, sa parole. And if He sanctioned it here, alors s'il le sanctionne ici, it surely will come to pass. Certainement, ça va se passer. Because He is the one preparing the wedding. Parce qu'il est celui qui est en train de préparer le mariage. The Bible says, not even the angels know about this. La Bible dit, même les anges ne savent pas à propos de ça. Not even Christ, the glorious King, knows about this. Même Christ, le glorieux roi, ne sait pas à propos de ça. That's why you see, he's engaging the church. C'est pourquoi, vous voyez, il engage l'Église in this very beloved conversation. Dans sa vraiment bien-aimée conversation. So she can be able to get the little nuggets of wisdom. Alors elle peut être capable de prendre les pépites de sagesse. The little secretos in Spanish, the little secrets. Les petits secretos en espagnol, les petits secrets. From the throne room of God. De la chambre du trône de Dieu. Because he looked at the state of the church. Parce qu'il regarde à l'état de l'Église. And it worried him. Et ça le rend soucieux. That's why he's releasing the little wisdom. C'est pourquoi il libère le peu de sagesse. So she may move positions. Alors elle peut changer de position. And not miss heaven. Et ne pas manquer le ciel. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. Otherwise, autrement, she will be subjected to eternal shame. Elle va être sujette à la honte éternelle. If she is a church. Et si elle est l'Église. A Christian for all the years. Si elle est une Église, une chrétienne pour toutes les années. And on the last day, misses heaven. Et dans les derniers jours, elle manque le ciel. You see why the Lord is taking the bother to release the information to the church. Vous voyez pourquoi le Seigneur prend la peine de libérer l'information à l'Église. The same he that said. Le même qui a dit. In the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, chapter 16, verse 15, au chapitre 6, le verset 15, he said, il dit, Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. Blessed is he that stays away. Béni celui qui veille. He said he comes like a thief. Il a dit qu'il vient comme un voleur. But now he's releasing some little tips. Maintenant, il donne quelques conseils. That is a lot of love. Ça, c'est le Seigneur d'amour. No wonder the Bible says his mercies endure forever. Pas étonnant que la Bible dit « Ses compassions durent pour toujours. » Behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. And blessed is he that stays away. Et béni soit celui qui veille. Listen to this, somebody. Écoutez-moi. And keeps his clothes on. Et qui garde ses vêtements. So he may not go naked. Afin qu'il ne marche pas nu. And be shamefully exposed. Et qu'on ne voit pas sa honte. That brings me to the next revelation to the church. Ça m'amène à la prochaine révélation pour l'Église. Because what is the message? Auditeur, quel est le message? By the Lord. Par le Seigneur. Presenting the two golden wedding rings in the sky. Présentant les deux anneaux d'or dans le ciel. I have already talked about the purification. J'ai déjà parlé à propos de la purification. The message on the purification. Le message de la purification. The spiritual purification. La purification spirituelle. That the church has to go through. Que l'Église a allé à travers. By the way, let me tell you this. Par là, laissez-moi vous dire. It is both physical and spiritual purification. Ce sont deux, spirituelle et physique, purification. That process of spiritual purification is called sanctification of the church. Ce procédé de purification spirituelle s'appelle la sanctification de l'Église. So she may be sanctified. Alors elle peut être sanctifiée. And the Bible says in the book of 1 Thessalonians chapter 4. Et la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. It is the will of the Lord that the church be sanctified. Que c'est la volonté du Seigneur que l'Église soit sanctifiée. But he has talked about a remnant. Mais il a parlé à propos d'un restant. That only a remnant will pass through fire. Seul le restant va passer par le feu. Then will be tested like gold. Et ensuite va être testé comme l'or. The book of Matthew, chapter 5. Le livre de Matthieu, chapitre 5. Alléluia. Alléluia. You are the light of the world. You are the salt of the world. All that. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Tout ça. You are the ones that have been purified out, out of the chaff. Vous êtes ceux qui ont été purifiés en dehors de la paille. You should lead the way. Vous devez suivre le chemin. This is incredible. Ça, c'est incroyable. It is so much revelation about why the Lord in heaven. C'est tellement de révélations à propos de pourquoi le Seigneur dans le ciel. Listen to this. Écoutez ça. Why the Lord in heaven. Pourquoi le Seigneur du ciel. Presents the wedding rings to the church. Présente l'agneau des noces à l'Église. Out of pure gold. En or pur. In Matthew chapter 6 verse 19 it says. Dans Matthieu chapitre 6 verset 19 il est dit. Do not store up for yourselves treasures on earth. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Where moths and rust destroy. Où la teigne et la rouille détruisent. Or where thieves break in and steal. Où les voleurs percent et dérobent. But store up for yourselves treasures in heaven. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Where moths and rust do not destroy. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, and where thieves do not break in and steal. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. For where your treasure is, car là où est ton trésor, there your heart will also be. Là aussi sera ton cœur. Now look at the pure gold. Regardez à l'or pur. The spiritual gold the Lord is presenting to the church. L'or spirituel que le Seigneur est en train de présenter à l'Église. In other words, he's telling the church, look. En d'autres mots, il est en train de dire à l'Église, regarde. Focus on the heavenly treasure. Fixe ton regard sur le trésor du ciel. There's so much gold here. Il y a tellement d'or ici. Disconnect from the earthly gold. Déconnecté de l'or terrestre. Focus on the spiritual gold. Fixez votre attention sur l'or spirituel. Because this one is eternal. Parce que celui-là est éternel. No thief can rob away. Aucun voleur ne peut le dérober. Nobody can steal, no rust can touch it. Personne ne peut le voler, aucune rouille ne peut le toucher. But look at down there, it says. Continuons de lire. The eye is the lamp of the body. L'œil est la lampe du corps. If your eyes are good, si ton œil est en bon état, your whole body will be full of light. Tout ton corps sera éclairé. But if your eyes are bad, mais si ton œil est en mauvais état, your whole body will be full of darkness. Tout ton corps sera dans les ténèbres. If then the light within you is darkness, si la lumière qui est en toi est ténèbre, how great, how gross is that darkness? Combien seront grandes ces ténèbres? No one can serve two masters. Nul ne peut servir deux maîtres. Either will hate one and love the other. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Or he will be devoted to one and despise the other. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. You cannot serve both money and God. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. That's a deep revelation the Lord is giving the church. Ça, c'est une profonde révélation que le Seigneur donne à l'Église. Through the wedding rings being out of pure gold. À travers les anneaux de noces d'or pur. He's saying, let us focus on the treasures in heaven. Il est en train de dire, fixons nos regards sur les trésors dans le ciel. The gold in heaven. L'or dans les cieux. Because where our treasure is. Parce que là où est ton trésor, there also our heart will be. Là aussi sera ton cœur. The Lord is showing, is flashing to the church. Look, there is so much gold up here. Le Seigneur montre, attire l'attention de l'Église en lui disant, regarde, il y a de l'or ici. Disconnect from that. Focus on this gold. Déconnecte-toi de ça. Porte ton attention sur cet or. Move your heart here. Let your treasure be here. Mets ton cœur ici. Que ton trésor soit là. This one is eternal. Celui-là, éternel.